Néhémie, chapitre 11. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort, pour qu'un sur dix vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem, dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Athaja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Mahalalil, des fils de Peretz, et Maaseja, fils de Baruch, fils de Kol-Ozé, fils de Hazaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zacharie, fils de Chiloni. Total des fils de Peretz qui s'établirent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils de Joed, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils de Maaseja, fils d'Ithiel, fils d'Ésaïe, et, après lui, Gabaï et Salaï, 928. Joël, fils de Zikri, était leur chef, et Juda, fils de Senua, était le second chef de la ville. Des sacrificateurs, Jedaéja, fils de Jojarib, Jakin, Seraja, fils de Hilkija, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Merajot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu, et leurs frères occupés au service de la maison, 822. Adaja, fils de Jérosham, fils de Pelalia, fils d'Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pashur, fils de Malkija, et ses frères, chefs des maisons paternelles, 242. Et Amashaï, fils d'Azaril, fils d'Akzaï, fils de Meshilemoth, fils d'Immer, et leurs frères, vaillants hommes, 128. Zabdiel, fils de Guédolim, était leur chef. Des Lévites, Shemaéja, fils de Hashub, fils d'Azricam, fils de Hashabia, fils de Buni, Shabetaï et Josabad, chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu, et faisant partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaph, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Bakbukia, le second parmi ses frères, et Abda, fils de Shamua, fils de Galal, fils de Jedutun. Total des Lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers, Akub, Talmon, et leurs frères, gardiens des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les Nétiniens s'établirent sur la colline, et ils avaient pour chef Tisha et Gishpa. Le chef des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Hashabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre les fils d'Azaph, les chantres à charger des offices de la maison de Dieu. Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres, et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Pétajja, fils de Meshézabil, des fils de Zerach, fils de Juda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, des fils de Juda s'établirent à Kirjat Arba et dans les lieux de son ressort, à Dibon et dans les lieux de son ressort, à Jekabstil et dans les villages de son ressort, à Jeshua, à Molada, à Beth-Palet, à Hatsar-Shual, à Beer-Sheba et dans les lieux de son ressort, à Tziklag, à Mekona et dans les lieux de son ressort, à En-Rimon, à Tzoréa, à Jarmut, à Zanoar, à Adulam et dans les villages de leur ressort, à Lachis et dans son territoire, à Azeka et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Beer-Sheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba, à Mikmash, à Asja, à Bethel et dans les lieux de son ressort, à Anatot, à Nob, à Hanania, à Hatsor, à Rama, à Gitaïm, à Hadid, à Tseboïm, à Nebalat, à Lod et à Ono, la vallée des ouvriers. Il y eut des Lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Juda.